tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je suis allongé, je suis allongé, je suis allongé. Tic-tac, tic-tac. Dos au sol, dos au sol. J'attends, j'attends mon exécution, mon exécution. Plus d'illusions possibles. Enfermé dans cette cellule, j'attends. Jugé, j'étais accusé pour meurtre. Pas de culpabilité, je connais mon acte. J'ai tué de nombreuses fois pour trouver mon âme. J'ai été considéré comme fou, mais trop dangereux pour l'asile. Exilé dans cette prison, je reste à manger, j'attends. Je revois tous ces psys, ne pouvant affronter mon regard. L'un d'entre eux a décidé de m'enfermer à vie. À ne jamais laisser sortir. Voilà ce qu'ils ont mis dans mon dossier. Personne, personne n'ose prescrire la peine de mort. De peur que j'ai honte après ma mort. Hier, j'ai décidé, j'ai demandé ma peine de mort. Après 15 ans d'emprisonnement, ce matin, un maton m'annonce que mon exécution aura lieu à 10h. Il est 9h30, allongé, dos au sol. J'attends, j'attends. Ma conscience m'interroge. Pourquoi avoir tué, abusé, torturé tant de gens? Je lui réponds que j'ai tué pour me sentir vivre. Ai-je été ivre de folie et tordre ma conscience? Non, j'ai tué en toute conscience. Tout a commencé quand j'ai fracassé cet arbre. J'en suis sorti indemne, sans souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas été tué dans cet accident? Pourquoi depuis ce jour, je n'en sens plus rien? Plus de sentiments, plus de sensations, plus rien. Je vis, mais j'ai perdu mon âme. L'âme qui me procure ce souffle de vie. Depuis cet accident, ma vie a été chamboulée. Je suis persuadé que j'aurais dû mourir. Pourtant j'ai survécu, toujours allongé, dos au sol. Je revis le fracas de mes membres. 9h35, j'attends. Je revois le regard de mes victimes vides. Il semble que mes yeux m'annoncent plus de vie. Depuis ce jour, j'ai toujours froid. Je me sens léger. Après tout, peut-être que cela ne fait que confirmer que mon âme s'est échappée de mon corps. Cette âme de chaleur est lourde de conscience. 9h38, je suis allongé. Je ne sens même pas la présence du sol qui se bat dans mon dos. Depuis ce jour, je n'ai pas ressenti de joie, de peine, de colère. Je n'ai plus envie de rire ou de pleurer. Je vis, mais en réalité je suis mort. Je penche ma tête à gauche. Il y a ce bout de verre, tachy de sang qui gît sur le sol. Je regarde ce bout de verre et je me revois écorcher ma main pour sentir la douleur d'un vivant, mais rien. 9h39, comment suis-je arrivé là? Avoir tué, pour ressentir un quelconque sentiment. Je n'éprouve même pas le regret. Rien. Depuis ce jour, je n'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai vécu avant l'accident. J'ignore mon prénom, mon nom et qui j'étais. La seule sensation que j'éprouve, c'est d'être né le jour de l'accident. Je ne sens même pas mon cœur battre. C'est-il arrêté le jour de l'accident? Il est toujours 9h39 et j'attends. J'attends ma deuxième mort. J'entends le tic-tac de l'horloge. Tic-tac, symbole d'une attente interminable. Le temps me semble long. 9h40, j'en peux plus d'attendre. Dos au sol, je me lève. De son tic-tac insistant, l'horloge marque sa présence dans mes pensées. Surveillé par les caméras, je ne pouvais me donner la mort. Les matons m'ont déjà empêché à plusieurs reprises de m'ôter la vie. Je suis enfermé, ma liberté est incarcérée. Seul, je converse avec ma pensée. Ma vie est morte, j'ai tué ma vie. Ma demande d'exécution était mon seul salut. D'une façon ou d'une autre, elle me fera sortir d'ici. 9h45, j'attends. Vers mon dernier siège. 10h, ceinture de sécurité attachée. Je ne peux plus faire marche arrière. Ils exécutent mon démarrage. Les gens autour de moi disparaissent pour laisser apparaître une route qui m'est familière. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Thank you. Je connais la route par cœur, mais la route ignore tout de moi. Je me retrouve au milieu d'un carrefour face à moi-même. Accidenté par l'altérité, l'ambiguïté me gagne. Je m'arrête au stop de mon ego et cède la place à mon alter ego. Le seul à qui je confierai mes chaînes, prisonnier de moi-même. Mes chaînes se brisent au nom d'une liberté recherchée. L'introspection ne sera jamais plus un frein à mon intellect à ascension. Alors j'accélère ma méditation pour trouver mon illumination. Autrui fait de l'autostop, je passe mon chemin, hanté par ma quête personnelle. Mon regard se braque sur mon rétro, symbole d'arrocri qui monte en crescendo. Vis-à-vis d'autrui, que j'ai laissé au fond de mon puits. M'attarder sur eux, c'est trahir une partie de moi. Ma conscience me gagne, me condamne à ne plus condamner autrui. Mais dois-je mépriser ce que je suis, un solitaire exilé de ses pairs? Je regarde à droite, côté passager. Elle qui n'est pas aurait pu me sauver. Je me retourne et découvre ma seule compagne, solitude. Elle se fait belle pour moi, mais pourtant elle ne me réveille pas quand je m'endors au volant. La chaussée est glissante, les freins ne répondent plus. Je percute un arbre de plein fouet. Le sursaut me gagne éveillé. Je reste intrigué par mon rêve. Je ne sais pas si j'ai trop bu ou je réfléchis simplement trop. En tout cas, une raison est trouble. Les songes me rongent. J'ai peur de sombrer à la folie. Cette peur ne m'a pas empêché de rouler à contresens, comme si plus rien n'avait de sens. Au milieu de cette route que je croyais connaître, je constate que je suis perdu. Où se trouve la maison de ma raison? La dame blanche m'invite à me détruire. Tiraillé par cette vision, mes chaînes se referment sur mon alter ego. Je n'ai plus d'essence, j'ai perdu toute l'essence de la vie. Mon introspection a permis